是 best， 去大小你去同在，你花开白可痛就是哈西的飞龙，你把谁都空战去上班的同男，你用风你翻去去开始上 sex 当天亮，去不得再去哪，pense que c'est de ta faute, mais tu n'étais qu'une enfant si jeune, si innocente. Des douleurs dans le cœur, tu t'acharnes, tu affrontes. Les beaux instants de bonheur, tu les caches dans la honte. Petite sœur, on est pareil. Petite sœur, on comprend ta tristesse.Tu penses, tu ne crois pas au meilleur, une vie de malchance. L'amour c'est la douceur et non la violence. Tu te condamnes dans la peur, petite sœur, on est pareil.